Les peintures du Vatican. Sans suivre pas à pas la chronologie, il nous faut observer, dans des travaux capitaux, le développement avec le plus de liberté, de diversité et d'ampleur de tant de puissantes facultés. Nous désignons les trois grands spectacles bibliques exécutés à la chapelle du Vatican en émulation avec Pinturicchio, Cosimo Rosselli, Signorelli, Ghirlandajo et le Pérugin, dans les parties hautes des parois latérales. Par une sorte d'inconséquence dont on ne trouve que trop fréquemment des exemples dans les plus beaux temples chrétiens, des œuvres d'importance et de beauté exceptionnelle sont commandées à des artistes illustres qui y dépensent le meilleur de leur génie et de leur force, et ces œuvres épuisantes sont condamnées à ne jamais livrer leurs bienfaits aux hommes par le fait des places désastreuses qui leur sont assignées et de la privation même de la lumière sans laquelle elles ne peuvent vivre. Reconnaissons-le, la photographie les rend pour nous à la vie et prête à notre esprit toute licence de les méditer en paix. L'imagination dramatique de Botticelli se redéploie donc ainsi à nos yeux et la science moderne ressuscite ainsi les morts. Les trois sujets qui lui furent demandés à l'appel de Sixte IV se prêtent à maintes sortes d'analyses dont nous n'avons à retenir que celles d'ordre pictural. Peu nous intéresse que le châtiment de Corée, d'Athan et Abiron fasse allusion au triomphe du pontife sur l'archevêque de Carinthie, ni même que la purification du lépreux soit une façon flatteuse de symboliser la fondation par Sixte de l'hôpital San Spirito. Enfin, les faits et gestes de Moïse dans la troisième composition, quelques autres compliments qui s'y cachent, adressés aux représentants de la divinité plutôt qu'à la divinité elle-même, nous attire infiniment moins que le superbe groupe d'orientaux qui passe par là et ne détourne pas un moment nos yeux des délicieuses filles de Jéthro. Tant d'explications historiques, tant d'occasions qui ont motivé ces travaux s'évanouissent, sont oubliées ou seraient même importunes. Seuls demeurent les enchantements de l'art et les émotions qu'ils font renaître en chaque génération. Une des conditions de beauté des trois grandes histoires de la chapelle Sixtine tient au paysage où se déroule l'action, point de vue sous lequel nous n'avions pas encore considéré la conception botticellienne. Une parole célèbre que la critique a toujours enregistrée sans se donner assez la peine de la comprendre devra être examinée ici d'un peu plus près. Cette parole est celle de Léonard de Vinci. Notre Botticelli disait que cette étude, celle de la peinture de paysage, est chose bien vaine, puisqu'en se contentant de jeter contre un mur une éponge imbibée de couleurs, on peut distinguer un beau paysage dans les taches qu'elle y laisse. D'abord, c'est visiblement une de ces boutades familières à tout artiste et qu'il ne faut pas tenir pour un dogme, puisqu'il suffit de regarder une des œuvres de notre peintre pour considérer qu'elle ne doit rien à l'éponge. Mais si l'on n'omettait pas généralement ce qui précède, l'idée offrirait un tout autre sens. Voici cette phrase essentielle. Si le peintre ne prend pas un plaisir particulier à peindre des paysages, il les considérera comme chose de simple et secondaire recherche. En d'autres termes, ce qui fait la beauté de ses œuvres chez les maîtres anciens, Léonard comme Botticelli, c'est que la nature environnante, le décor, y sont subordonnés au drame. Ici, ils sont assez riches et détaillés pour que nous y prenions plaisir en eux-mêmes, et nous sommes également loin des jeux de l'éponge et du hasard, comme des architectures cristallisées et des quelques bosses au cyprès clairsemés qui suffisent à accompagner le sublime plein chant d'un Giotto ou d'un Angelico. Le magnifique arc de Titus, les colonnades interrompues, la contrée marine où le parti de Corée est écrasé, les collines accidentées entre lesquelles s'érige la façade de San Spirito dans la purification du lépreux, enfin même l'oasis à plusieurs fins où Moïse accomplit des actes divers de sa destinée, tous ces paysages ont cette vertu et cette convenance supérieure de compléter l'action sans la surcharger. Plus tard, Poussin fera du paysage un emploi différent, lui donnant l'importance d'un personnage véritable, et d'ailleurs ce sera bien aussi. Les trois histoires de la chapelle Sixtine empruntent pareillement un intérêt puissant à l'étude physionomique. dans le châtiment de Corée, peut-être la moins séduisante pour nous par l'exclusion de toute figure féminine, cas presque unique chez Sandro, il y a cependant de saisissantes expressions de haine et d'effroi. Dans les faits de la vie de Moïse, quelques types orientaux, nous l'avons dit, apportent un agrément inattendu, mais, entre tous les charmes épisodiques, qui pourrait oublier, illuminant l'ombre défavorable de la chapelle Sixtine, les douces et diaphanes filles de Jéthro, de qui Moïse abreuve le troupeau. Cette vision d'or pâle, qui joue dans la composition un rôle que nous verrons plus radieux encore dans une des pages païennes à Florence, semble un moment effacer tout ce qui l'entoure et nous attirer vers elle. Plus riche que toutes les autres, en expressions et en attitudes, est la purification du lépreux. Visage pensif de lettrés et de clercs, visage héroïque, illuminé de confiance en la vie, de jeunes princes et de jeunes pages, blondes filles mêlées à la foule, nous voudrions les étudier tous. Mais un étrange récit se trouve superposé à cette représentation, trilogie d'épisodes qui devait être le sujet mystique venant en second lieu, et qui demeure d'une curiosité si imprévue que la principale scène si mouvementée n'en devient que comme le soubassement. Il est nécessaire ici de rappeler que toutes ces compositions de la Sixtine comportaient une triple signification, mystique, biblique et d'allusion contemporaine. Ici, le sujet contemporain était la fondation de l'hôpital des lépreux, le sujet biblique la purification, le sujet mystique, enfin, la tentation du Christ par le démon sur les hauteurs. Botticelli a vu ce dernier thème en humour et sa verve s'y est donnée carrière de la façon la plus mordante. Aux deux angles supérieurs et au sommet central se joue cette comédie en trois actes. Un saint ermite se présente d'un air bénévole au Christ qui l'accueille avec un air ravi, malicieux un peu pourtant, et qui semble tenir pour agréable l'offre d'assez de pain pour satisfaire un appétit glouton. Puis, sur le fait du temple, le bon moine lui montre la foule, et la campagne, et le monde. Tout cela serait à toi. Vraiment, comme c'est aimable! Mais une table a été préparée par les anges, plus délicate que les grossières boules de son de l'ermite. Le Christ, alors, d'un geste fouailleur, précipite le tentateur médiocre qui, abandonnant au vent sa robe de moine, apparaît en vilain diable poilu. Et Jésus rit de bon cœur. Nous ne connaissons pas d'exemple en art d'un Christ riant et avec cette franchise. Nulle irrévérence en cela de la part du peintre. On pourrait même soutenir qu'il a simplement dégagé la part d'ironie qui ne manque point en divers passages du Nouveau Testament. C'est pour nous une occasion d'ajouter certains traits au caractère si nuancé de Botticelli, dont nous n'avions entrevu encore que les dominantes de dignité mélancolique, d'inquiétude à ressentir et à exprimer la grâce. Il était, dit l'honnête Vasari, persona molto piacevole. Il avait des heures où il se déridait, se détendait les nerfs. Il jouait à ses camarades quelques farces, sans malveillance d'ailleurs. Elles ne sont pas de premier ordre. Des capuchons postiches infligés au personnage dans le tableau qu'il vient de faire acheter, d'un de ses élèves, un effroi salutaire inspiré à un voisin bruyant et mauvais coucheur, en lui faisant craindre la chute d'un bloc de pierre savamment tenu en équilibre. Enfin, une histoire assez peu claire d'accusation d'hérésie portée contre un camarade et terminée en farce devant le tribunal. Tout ce qu'on peut retenir de ces vétis, c'est cette faculté de plaire, cette disposition piacevole, cette insouciance même qui le faisait revenir à Florence sans un ducat du prix touché pour ses travaux à la Sixtine. C'est encore et mieux la bonté attentive témoignée et les leçons données à Filippino tout jeune apprenti en mémoire de son grand maître Filippo. Enfin, ajoutant une dernière touche à l'esquisse, l'éloquence du cadastre. En 1480, d'après un document de déclaration de revenus, nous voyons que Sandro, il a, rappelons-le, 36 ans, vit avec son père veuf et retiré des affaires, une tante âgée, un frère aîné et plusieurs neveux et nièces. Il possède une ferme aux champs qui alimente ce microcosme. Sandro Filippi est simplement un brave homme. Il accomplit ce vœu immense, si difficilement réalisable que Faust cherche dans l'extra-naturel. Ô nature, que ne suis-je seulement un homme devant toi ? Mais quel prodige d'humanité créatrice, de prescience, de tourments et d'amour prêts à jaillir en rayonnements impérissables sont en réserve sous l'enveloppe ordinaire d'un homme. Les Prédelles remarquent sur l'humour et sur le dessin. Nous sommes maintenant assez entrés en communication avec ce génie pour comprendre à quel point était insuffisante l'idée que le public, et même certains critiques, avait fini par adopter d'un peintre exclusivement de charme et d'élégance, même un peu maniéré. Il faut lui restituer toute son originalité et toute sa noblesse. Tels sont les malentendus transmis et docilement adoptés. Comment les pages grandioses du Vatican, auxquelles nous préparait déjà l'adoration des mages, ne faisaient-elles pas primer sur cette notion d'un tempérament, d'une grâce indiscutable, mais non pas exclusive, celle d'une inquiétude, d'une sévérité qui le placerait plus près de Signorelli que de Gozzoli? Il convient donc de reléguer dans l'oubli les pâmoisons des dames de naguère et mieux goûter l'âpre saveur qui règne même dans ses créations de beauté pure. Une des plus curieuses nuances de cette conception nouvelle est celle qui montre Botticelli s'adonnant, au milieu de ses heures intenses, à des instants d'enjouement, et pour redire le mot moins anachronique qu'on ne pense, que nous employions tout à l'heure à propos du Christ espiègle, d'humour. Nous aurions pu trouver un autre trait, correspondant bien à ce caractère piacevole, dans le Saint-Sébastien de Berlin, où les archers qui s'en vont après le supplice et qui sont déjà très loin se divertissent à tirer leurs dernières flèches aux oiseaux et au saint lui-même. Les prédelles, des plus nobles et des plus grandioses tableaux d'autel, sont encore très riches de ce point de vue en épisodes retracés avec un esprit très vif, et l'on oserait presque dire très amusant. Légèrement enlevés, comme des croquis en marge, ils jouent, toute proportion gardée, le rôle des caprices brodés au portail des temples. Ainsi, le grand couronnement de la Vierge, des Uffizi, dont il sera question plus loin, offre, ou offrait, car ils en sont détachés, je crois, ces charmantes petites compositions. Un Saint Jean à Patmos, un Saint Jérôme se frappant la poitrine avec une pierre, l'histoire de la patte de cheval reforgée qui figure si souvent dans les naïves hagiographies, enfin et surtout une délicieuse petite annonciation, rappel du divin chef-d'œuvre de Sandro, variante où la Vierge est assise, une main posée sur un livre, l'autre portée à la poitrine, indication d'une indicible légèreté. Une autre près d'elle, celle de la Madone de Saint-Barnabé, nous montre une Salomé portant avec diligence la tête de Saint-Jean, puis Saint-Augustin en conversation avec l'enfant rencontré au bord de l'océan, tout exprès pour lui donner cette leçon qu'il est plus facile de faire entrer la mer tout entière dans un petit creux que de comprendre le mystère de la Trinité. Et cet autre tableau de la Trinité, œuvre trop peu vantée de la collection Lee of Fareham de Londres, a pour près d'elle une prédication, un Noli me tangere, une Sainte Marie l'Égyptienne, une Madeleine répandant les parfums, qui sont autant de petits contes de fées contés avec la vive simplicité qui aurait enchanté, mieux encore que Peau d'âne, La Fontaine. Les peintures de Cassoni, telles que l'histoire de Saint Zanobi, de Virginia, d'autres encore, sont remplies de ce mouvement, de ce sel qui échappe généralement, et on les en peut excuser, à ceux qui ne connaissent que les ouvrages désignés par leur célébrité. Mais nous les signalons à qui voudra, en les étudiant de près, en recueillir la fine joie. Puisque nous avons interrompu ainsi pour un moment la revue d'ensemble de l'œuvre, nous voudrions également soumettre quelques considérations relatives non plus à la conception, au tour d'esprit chez Botticelli, mais à l'exécution même sur laquelle on s'est également mépris sur plus d'un point. Le terme de « patience » de primitif a causé bien des erreurs, d'abord en faisant classer comme primitif des artistes et des temps parvenus au plus haut degré de perfection, puis en considérant comme des travaux de patience les résultats d'un merveilleux entraînement de métier. Il y a tant de distinctions à faire quand on va au-delà des apparences immédiates. Nul rapport, par exemple, entre l'exécution délicate et précieuse d'un Jean Van Eyck dans le dessin de la Sainte Barbe ou la couleur transparente d'ambre du mariage mystique, Bruges, et au contraire la robustesse de construction dans le dessin et l'entente si large de la couleur et du modelé chez Botticelli et tels autres quattrocentistes. L'un semble toujours œuvrer pour un missel ou une châsse, les autres toujours avoir devant les yeux une muraille à couvrir. Botticelli enlève un tableau comme une fresque. Il est intrépide dans l'exécution. On pourrait presque dire qu'il ne s'en préoccupe point. Nous avons tenu à le démontrer dans notre illustration en isolant certains fragments à une plus large échelle. Considérez ces mèches des chevelures, ces visages si expressifs à si peu de frais, ces traits dont le peintre ne craint pas de cerner, d'accuser un nez, un œil, pour préciser le caractère voulu, et qu'il n'en soit plus question. Bien mieux, la photographie a révélé parfois, comme dans certaines figures d'angelots du couronnement de la Vierge, des faux traits que l'artiste ne s'est même pas donné la peine d'effacer à côté du contour choisi. Ainsi, et l'on ne saurait trop insister là-dessus, cette façon d'affirmer est essentiellement différente de la façon d'envelopper, qui prévaudra dans l'école corrégienne ou rembrandtesque. Elle conquiert du premier coup, l'autre s'insinue. Ainsi éclairé par ces remarques, nous pouvons désormais mieux comprendre pourquoi Botticelli, tout en nous charmant, impérieusement nous dominait. Pallas et le Centaure. Dans le Décaméron, nous avons vite fait d'oublier la peste et ses horreurs pour nous trouver plongés parmi les fleurs, les chansons, les fines discussions sur les affaires de cœur, les histoires émouvantes ou bouffonnes. Florence n'est plus dans Florence. Elle est en villégiature dans ce monde de plaisir. De même, quand les peintres du Quattrocento déroulent sous nos yeux les visions pieuses ou galantes, les spectacles chevaleresques, les cortèges et les saints mystères, et le retour des divinités de l'Olympe sur la terre, sans que la Vierge et les saints du paradis en perdent un seul de leurs rayons, nous nous trouvons si charmés qu'il nous semble que cette Florence de beaux seigneurs, de nymphes, de madones, posant docilement devant les maîtres, d'anges cueillis dans les rues, soit la seule Florence qui ait jamais existé. Celle où l'on conspire, où l'on pend, où l'on se poignarde, où l'on s'arme pour des guerres pleines de chocs d'armes et d'incohérences, nous apparaît comme irréelle, invraisemblable, ayant à peine eu lieu et de toute façon ne nous touche plus beaucoup. Et ce sont de fait les images qui ont raison, puisque seules elles ont survécu et sont encore agissantes. D'ailleurs, il finit par nous sembler que les Florentins eux-mêmes, en pleine passion, haine et représailles, fassent des œuvres d'art et de la poésie l'affaire sérieuse de leur vie et des rivalités meurtrières leur divertissement. Les grands poètes et les grands peintres sont en tel état d'échanges incessants que l'on peut maintenant, entre érudits, gravement discuter si c'est Politien qui a inspiré à Botticelli l'allégorie du printemps ou si c'est Botticelli qui a donné corps et couleur au poème. Les Médicis se piquent de protéger les beaux esprits et de les égaler à leur moment perdu. Ils ne les égalent pas et ne les paient pas toujours très bien. Comme l'a dit un historien, chez eux le culte du veau d'or a toujours primé le culte même des arts. Les petits vers de Laurent le Magnifique ne sont pas de premier ordre, et les grands artistes qui ont vécu en même temps que ces princes auraient sans eux accompli ou auraient accompli avec d'autres leur destinée, parce que l'heure et la saison de cette floraison étaient venues et que n'était pas encore sonnée celle de l'épuisement. On est surpris de voir combien leur œuvre magnifique reflète peu les événements, combien elle se poursuit en l'absence comme en la présence des magnifiques. Les allusions même et les occasions des commandes ont perdu toute signification ou tout intérêt. Enfin, malgré tout, princes trop chantés et artistes merveilleux chanteurs, monde d'irréalités immortelles et de réalités tombées en poussière, tout cela forme avant tout un poème. C'est parce que c'était un poème que la fable revécue devait y jouer un rôle non moins important que la religion vivante. Il était à peu près impossible à tout grand poète, soit du verbe, soit de la forme, de ne pas être tour à tour ou simultanément mystique et païen, et de ne pas se rendre digne à la fois d'une bénédiction de Marie et d'un regard favorable d'Aphrodite. Botticelli est le plus harmonieux exemple de cette dualité et le plus enchanteur au XVe siècle, comme au siècle suivant le sera Raphaël. Le tableau de la National Gallery, Mars et Vénus, est peint à peu près vers le même moment que cette Vierge aux six patrons, où il nous a semblé voir quelques douces réminiscences de l'Angelico. C'est une des premières œuvres qui nous restent de l'inspiration païenne chez notre maître. Toutes deux ont un calme d'exécution et même une simplicité de caractère qui, tout en gardant très typique la marque de Botticelli, son émotion voluptueuse et son interprétation intellectuelle, céderont bientôt la place à des conceptions plus mouvementées, marquées de ces signes personnels qui le rendent inimitable même par ceux qui ont pu l'imiter d'assez près. Vers ce même temps, il peignait le Saint-Sébastien du musée de Berlin, où l'étude du nu, si admirable, est combinée très ingénieusement avec le paysage peuplé de minuscules épisodes dans le lointain, les archers tirant leur dernière flèche après le supplice, ce paysage qui réduit à sa juste valeur la soi-disant aversion du peintre pour les effets qu'on peut obtenir avec une éponge. Cette attraction de Sandro pour le nu, qui nous mènera jusqu'au chef-d'œuvre de ses chefs-d'œuvre, se montre dans le Saint-Sébastien tout à fait différente de la dureté et de la mimique dans le même sujet traité par Paula Juolo. Et quant au nu féminin, on ne verra en vérité personne qui, à la même époque, s'approche de cette finesse et de cette grâce sans affectation, sauf et encore à quelque distance Lorenzo di Credi avec cette Vénus que nous avons citée. Le Sodoma, avec sa mollesse énervée, en ignorera plus tard pour toujours le secret. C'est une allusion courtisanesque à l'amour de Julien de Médicis pour la Bellia Simonetta, Simona de Vespucci, qui a donné lieu à ce tableau de Vénus et Mars. Cela aurait perdu quelque intérêt pour nous si la séduction n'en résidait pas dans l'œuvre seule et par elle-même. Elle offre cependant une certaine plénitude qui, pour agréable qu'elle soit, ne nous séduit pas comme l'élégance nerveuse, subtilement inquiétante, des ultérieures allégories. Il faut rendre à Mars Julien cette justice que sa façon de ronfler n'est pas pour Vénus Simonetta l'hommage d'un amour bien passionné. Les petits amours ont quelques motifs de s'ébattre comiquement avec ses armes, et ce qui nous plaît fort, étant un trait d'ironie imperceptible, bien dans l'esprit de Botticelli, c'est l'expression de moquerie voilée qui passe avec légèreté sur le beau visage de la très éveillée Vénus. Toutefois, l'œuvre, si intéressante qu'elle soit, ne présage qu'incomplètement le maître de la naissance de Vénus. Elle n'a même pas le piquant d'une de ses voisines au même musée anglais, la mort de Procris, du très inégal mais spirituel Piero di Cosimo. Continuant dans ce sens, notre Sandro n'aurait été qu'un prédécesseur de Branzino. Cette impression est d'ailleurs due pour nous au manque de transition, aux lacunes que devait causer la destruction fanatique de ses œuvres profanes par le trop impressionnable converti de Savonarole. On ne saurait trop y réfléchir. Ainsi, nous trouvons-nous tout de suite, pour ainsi dire sans avertissement, en présence de l'évocateur païen par excellence, avec l'étonnante peinture de Pallas et le Centaure. L'effet produit sur nous n'en est que plus saisissant. Cela ne se rattache à rien de ce qu'il avait précédé à Florence, cela demeurera supérieur en spontané et en original à tout ce que d'autres tenteront en ce genre. D'ailleurs, s'il en est d'autres originalités aussi tranchées que celles de Botticelli, elles se traduisent en un langage aussi différent du sien que le grec ou le flamand du dialecte florentin. La Pallas date de 1480, c'est-à-dire après la conjuration des Pazzi et avant le départ de Sandro pour Rome. Elle est rapportée généralement comme symbolisant, sinon le retour de la paix, du moins le répit de Florence après de rudes alertes et le triomphe du magnifique sur ses ennemis. Enregistrons cette explication historique qui n'explique rien, et demandons à l'image uniquement ce qu'elle nous donne, c'est-à-dire un conte de fées d'un attrait délicieux de tous les temps, comme la Belle et la Bête, qu'un enfant peut comprendre, qu'un artiste admire pour sa perfection, et qu'un penseur médite pour le symbole, non d'un événement passager, mais de l'histoire humaine. Ce second point de vue seul nous retiendra encore un instant. Cette Pallas est sortie, belle et parée, entièrement de l'imagination du peintre. Elle est à la fois d'Athènes et de Florence, et elle n'est ni de l'une ni de l'autre. Comme dans Virgile, elle apparut et s'est montrée divine, incessu patuit dea, la pureté de ses traits, le calme léger de sa démarche, sa beauté plus irrésistible que sa force, laquelle pourtant suffit à clouer sur place sans effort le monstre humilié et implorant, autant d'éléments pour un de ces miracles que la peinture opère pour nous, qui nous subjugue dès le premier coup d'œil et que les mots sont maladroits à exprimer. Si nous passons aux détails, nous les voyons tour à tour délicats, inventés et profonds. Rien de plus élégant que ces beaux cheveux vivants, ondoyants et dénoués, cet arrangement de toute la parure formée de flexibles branches d'olivier, cette tunique de gaze autour de laquelle s'enroule une épaisse draperie qui rappelle le manteau de guerre. L'équilibre des deux figures est également remarquable. Le centaure, quoique de plus grande proportion, semble se rapetisser devant la victorieuse. Il voudrait s'échapper au galop, mais on sent que s'il prenait sa course, elle, en marchant, l'atteindrait plus promptement toujours. Aussi, quel échange de regards ! Le tableau est certes d'une puissance et d'un charme infini, mais ce sont ses regards qui lui donnent la touche de vie définitive. L'on peut observer dans le détail du visage divin combien le sentiment est résulté d'indications à la fois sûres et subtiles. Il y a de la compassion dans les yeux et une imperceptible ironie dans la bouche. On ne saurait ni en saisir ni en nier le sourire. Malgré la colère, cette narine daigne à peine frémir, et tout cela est pourtant de tristesse autant que de victoire. Cette tête de Pallas est une des plus belles que l'art italien ait créée et dépasse de beaucoup la prétendue énigme de la Joconde. Quant au centaure, un obscur, inconscient et désespéré amour de brute, né de la stupeur et de l'admiration, donne à sa laideur une sorte d'éloquence grossière à laquelle la chaste déesse ne peut être totalement insensible. De là cette adoration dans la défaite et cette pitié dans le triomphe qui est pour le monstre une infime victoire. Entre ces deux pôles, un éclair du mystère a jailli. Ce croisement de regards, une fois qu'il a attiré notre attention, nous hallucine. Et pourtant, au musée des Offices, l'effet d'ensemble du tableau, avant d'avoir eu le temps de l'analyser ainsi en profondeur, avait été immédiat et prodigieux.